من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, qui est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec le commentaire de Cheikh Saleh al-Fawzan qui s'intitule At-Ta'liq al-Qawim ala kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Et on est arrivé au cours 27, et au dernier cours on expliquait le verset 69 dans Surat At-Tawba, et ça fait peut-être deux cours qu'on parle de ce verset-là, et auparavant on parlait du verset qui était avant, la distinction entre les croyants et les munafiqins, les kuffars, et là on continue avec l'explication de la suite de cette Surat At-Tawba. Et juste pour rappeler en passant en même temps que Surat At-Tawba, c'est une des dernières sourates qui est descendue dans le Coran, qui a été révélée dans le Coran. Et il y a dedans la description des munafiqines, des hypocrites. Et c'est une des sourates qui dévoile la réalité des hypocrites. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette sourate. Il y a beaucoup de choses dans cette sourate. Sourate At-Tawba et Sourate Al-Ma'ida, c'est les deux dernières sourates qui ont été révélées. Et c'est pour ça que tu trouves beaucoup de réfutations des munafiqines et des juifs et des chrétiens et autres. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué à propos du verset 69? On avait dit le verset qui dit ce qui signifie « Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot ou de leur religion en ce monde et vous avez joui de votre lot. » On a expliqué qu'il y a la signification, le lot ou la portion ou bien la religion, comme ont joui vos prédécesseurs de leur religion ou de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté à tort et à travers. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans ce bas monde et dans l'autre, ceux-là seront les perdants. D'accord? Donc ça c'est la suite. Et donc c'est pour dire que après Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, il explique que l'égarement de ces gens-là, c'était de deux aspects. L'égarement dans les passions et les désirs et les péchés de la dunya, les péchés dans les choses qu'ils font, comme de tout ce qui est interdit parmi les désirs et les passions et les tentations. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe ash-shahawat, les désirs, les tentations, les choses interdites, les péchés charnels ou autres. Et ash-shubuhat, c'est-à-dire quand ils disputaient au sujet de la religion à tort et à travers, ça c'était qu'est-ce qu'on appelle en arabe les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés et les doutes dans la religion, et les bid'ah et les innovations et tout ce qui fait que les gens s'égarent dans la croyance. Donc ça c'est les deux façons par lesquelles le shaitan égare les êtres humains, et les deux choses dans lesquelles les hommes tombent dans l'égarement, ok, dans leur religion. Et le cheikh, c'est ça ce qu'il expliquait, et il disait ensuite, après avoir mentionné la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ أَئِمَّةَ الْمُتَّقِينَ فَقَالَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فَبِالصَّبْرِ تُتْرَكُ الشَّهَوَاتِ وَبِالْيَقِينِ تُدْفَعُ الشُّبُهَاتِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي سُورَةِ الْعَصْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. Donc qu'est-ce que ça signifie cette parole de Ibn Taymiyyah? Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les têtes ou les dirigeants des hommes pieux, ceux qui sont à la tête des hommes pieux et qui sont leurs leaders et leurs chefs. Il les a décrits par deux caractéristiques. Il a dit, et nous avons fait d'eux des dirigeants ou des imams qui guident par notre commandement lorsqu'ils ont été endurants et patients et qu'ils avaient la ferme conviction en nos signes. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces dirigeants-là de deux façons. Il les a décrits en disant qu'ils avaient sabr, lamma sabaru, ils avaient la patience et l'endurance. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ça veut dire ils avaient al-yaqin. Donc ils ont al-sabr, ils ont al-yaqin. C'est les deux caractéristiques et qualités des vrais dirigeants, des bons dirigeants. La certitude ou la conviction. Ok? Al-yaqin. Donc, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, après avoir mentionné ce verset, le verset 24, dans Surat As-Sajda, il dit, donc, avec l'endurance et la patience, tu es capable d'abandonner les passions et les désirs et les tentations, parce que tu utilises ta patience et ton endurance pour résister à ces péchés-là et à ces tentations-là, et avec la certitude, et tu es capable de repousser les ambiguïtés et les doutes que yani le shaitan ou les gens qui appellent à la bid'ah ou à l'égarement essaient de lancer sur toi pour te faire tomber dans l'égarement. Donc ça, c'est comment ces deux versets-là nous montrent justement, ce verset ici nous montre qu'il faut avoir de la certitude et avoir de la patience, et l'autre verset avant, il nous montrait yani, comment les gens qui se sont égarés avant nous se sont égarés dans les passions et dans les péchés, dans les déserts et dans les ambiguïtés, dans les doutes et dans les bid'ahs. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de patience et ils n'avaient pas de certitude dans leur croyance. Il dit également dans Surat Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit et ils s'encouragent les uns les autres dans la vérité, et ils s'enjoignent les uns les autres la vérité, et ils s'enjoignent les uns les autres dans la patience et dans l'endurance. Et dans le verset 45 dans Surat Sad, et Allah subhanahu wa ta'ala dit et souviens ou bien rappelle nos serviteurs, rappelle de nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, Oulil Aidi wal Absar. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant ceux qui avaient de la force, c'est-à-dire ces prophètes étaient forts dans la façon dont ils s'accrochaient à la vérité. Wal Absar, c'est-à-dire c'était des gens qui avaient la compréhension et la science et la clairvoyance. Donc avec la force qu'ils avaient, ils étaient capables de rester fermes sur la vérité, s'écarter des passions et des désirs, et ils étaient capables, avec leur compréhension et leur connaissance de la religion, de repousser les doutes et les ambiguïtés. Et il y a un hadith qui n'est pas authentique, il est faible. Il mentionne ce hadith Ibn Taymiyyah en disant que c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Allah aime la personne qui a la compréhension et qui est critique lorsqu'il y a des shubuhat, des ambiguïtés dans la religion ou des doutes, et il aime la personne qui a une raison, une compréhension complète lorsque, c'est-à-dire, il perd pas sa raison lorsqu'il est devant des déserts et des passions et des tentations, il reste, il utilise sa tête, il suit pas ses passions, il suit sa tête et sa compréhension. Son intelligence. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie cette signification-là et il la simplifie, il la clarifie. Il dit, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ أي أنهم صاروا أئمة بسببين. السبب الأول الصبر فصبروا عما حرم الله. والسبب الثاني اليقين وكانوا بآياتنا يوقنون يعني يؤمنون بها ولا يشكون فيها ولهذا يقول الشيخ في عبارة أخرى وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Ça c'est une expression. Le cheikh il dit donc que le verset que Ibn Taymiyyah a mentionné, le verset 24 dans Surat al-Sajda, il dit et nous avons fait d'eux des dirigeants qui jugent ou qui guident selon nos ordres et selon notre commandement lorsqu'ils ont été endurants et qu'ils étaient convaincus et avaient la certitude en nos signes, hein, en nos versets. Et donc ils sont devenus des dirigeants à cause de deux raisons. À cause de leur endurance, donc ils ont fait preuve de patience, ils sont restés patients et endurants face à ce que Allah a interdit, c'est-à-dire ils se sont abstenus des tentations et des plaisirs et des tentations et des désirs illicites. Et la deuxième cause ou la deuxième raison, c'est parce qu'ils ont eu de la certitude et de la conviction, dans le sens que hein, ils étaient convaincus en leur foi, ils croyaient en Allah et ils n'avaient aucun doute en ce que Allah leur commandait de croire. Et donc il y a une autre expression que le cheikh mentionne parfois, c'est pour résumer ces deux points là il dit wa bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din, c'est-à-dire que c'est par la patience et l'endurance, on traduit patience et endurance, le mot sabr, parfois on utilise les deux termes pour le traduire. Pourquoi? Parce que sabr, c'est pas seulement la patience, c'est la patience et aussi l'endurance, les deux ensemble. Et al-yaqin, c'est la certitude et la fermeté, la conviction, hein? Donc c'est ça, c'est avec ces deux choses là sabr et al-yaqin, que tu obtiens le fait d'être un imam ou d'être un guide dans la religion. C'est par ces deux qualités là Et si quelqu'un n'a pas ces deux qualités-là, il ne peut pas être un imam dans la religion pour guider les gens. Il dit « وَهَذَا مُمْتَنِعٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مُمْتَزَعٌ عَفْوًا وَهَذَا مُمْتَزَعٌ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ » Donc l'expression de Ibn Taymiyyah, c'est un résumé qui est tiré de ce verset, le verset 24 dans Surat As-Sajda, hein? Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. C'est-à-dire, bis-sabri wal-yaqin tunalul imamatu fid-din. Et en plus, ça rime. C'est pour ça que les gens le répètent tout le temps. Bis-sabri wal-yaqin tunalul imamatu fid-din. Tu vois? Donc, ça, c'est une parole que les ulama ils répètent souvent. Il dit, fas-sabru yamna'u min ash-shahawat al-muharrama wal-yaqin yamna'u min ash-shubuhat al-mudillah. وهذا مما يثبت الإنسان على عقيدته وهو ما عليه الإمام أحمد رحمه الله فإنه صبر عن الشهوات وأيقن بما أخبر الله به والتزم أمره ونهيه فلذلك ثبت في محنته ولم يتنازل لهم عن شيء أرادوه. Donc ici le cheikh il mentionne cette parole et ces versets. Pourquoi? Pour donner l'exemple de l'imam Ahmed. Donc il dit en premier que la patience et l'endurance, ça nous retient et ça nous empêche de tomber dans les passions et les désirs illicites et interdits ou interdites. Et il dit que al-yaqin, ça c'est la certitude qui nous empêche de tomber dans les égarements des passions, des ambiguïtés et des doutes dans la religion. Et c'est ça qui fait que l'être humain, il est capable de rester ferme sur sa aqida. Et ça, c'est l'exemple de ce qu'on a mentionné à la fin du dernier cours de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Puisque l'imam Ahmad ibn Hanbal a fait preuve d'endurance et de patience vis-à-vis des shahawat et des plaisirs et des désirs. Et donc, il a été ferme, hein, vis-à-vis de ça. Et en même temps, il a été convaincu de ce que Allah a révélé au sujet de ses attributs et de ses noms et de sa religion en général. Et donc il est resté ferme sur l'ordre d'Allah et sur le fait de s'abstenir de ses interdictions, et à cause de ça il a été ferme dans l'épreuve, dans al-mihna, hein, la fitna qu'il a subi, hein, de la part des Mu'tazila qui l'ont torturé pendant des années pour essayer de le forcer à dire une parole, et lui, il s'est retenu pendant toutes ces années-là. Il n'a jamais accepté de faire aucun compromis avec eux dans quoi que ce soit de sa aqida et de sa croyance, et il n'a jamais accepté de leur dire quoi que ce soit de ce qu'ils voulaient. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu un imam dans la religion, et c'est pour ça que même on l'appelle imam ahl sunnah, c'est-à-dire l'imam des gens de la sunnah. Et j'écoutais cette semaine un cheikh qui expliquait que lorsqu'on dit imam ahl sunnah de cette façon, comme de façon absolue, on dit l'imam ahl sunnah, on parle automatiquement de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et si on veut dire à propos d'un autre savant qu'il était imam dans la sunnah, on doit le spécifier en disant à son époque. Hein? Fi zamanihi. C'est-à-dire que si tu dis à propos de quel, si tu dis par exemple l'imam de la sunnah, automatiquement ça désigne l'imam Ahmad ibn Hanbal. Si tu ne veux pas dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, tu dois dire, si c'est quelqu'un d'autre, par exemple, tu vas dire lui c'était l'imam d'Ahl Sunnah à son époque, ou dans sa ville, hein, ou dans sa région, pas l'imam d'Ahl Sunnah au complet. Parce que celui qui était l'imam d'Ahl Sunnah, c'était l'imam Ahmad seulement. C'est lui qui est connu par ce titre-là. C'est-à-dire, si on ne spécifie pas, on dit Cheikh al-Islam, c'est Ibn Taymiyyah en général. Et sinon, on peut dire d'autres savants qui ont été appelés Cheikh al-Islam, mais en général, tu vas dire Cheikh al-Islam fi zamanihi, soit à son époque, hein, ou dans sa ville. Aynam, Allahu a'lam. Et après, le Cheikh, il dit, wa minhu qawluhu, donc Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, elle continue, le passage numéro 115, il dit, wa minhu qawluhu fi surat al-Asr, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوله أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار. Et le hadith qu'il a mentionné, c'est ça, c'est que aussi également Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne yani le fait de rester ferme sur la vérité et de s'encourager dans la patience, dans la vérité et dans la patience, de s'enjoindre les uns les autres, ces qualités là et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les prophètes dans le verset qu'il a cité, c'est-à-dire le verset 45, en disant qu'ils avaient la force et qu'ils avaient la connaissance ou la compréhension. Et donc, le cheikh, il a mentionné aussi le hadith qu'on a mentionné, qui est Mursal. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente à propos de tout ça, et il dit... قال الله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فوصف الله سبحانه الإنسان بجميع أجناسه عربا وعجما وأحرارا وعبيدا وذكورا وإناثا وملوكا وصعاليك وأغنياء وفقراء بأنهم في خسر إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالصبر على ما ينالهم من الأذى والمشقة إذا أمروا ونهوا فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه ينجو من هذه الخسارة المحققة. Donc le cheikh, il dit que le verset de sourate al-Asr, hein, il dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie par le temps, certes l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont enjoints les uns les autres la vérité, et qui se sont enjoints les uns les autres la patience et l'endurance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset ou dans cette sourate, il décrit l'homme de façon générale, c'est-à-dire les êtres humains, peu importe leur catégorie ou leur sorte, hein, leur origine, que ce soit des Arabes ou des non-Arabes, que ce soit des hommes libres ou des esclaves, que ce soit des femmes ou des enfants, des femmes ou des hommes, que ce soit des rois ou des pauvres ou des gens pauvres ou des gens élevés ou bas, que ce soit des riches ou des pauvres, ils sont tous en perdition, excepté ceux qui ont quatre caractéristiques: ceux qui ont la foi, les bonnes œuvres, et qui s'enjoignent à la vérité les uns les autres, Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils s'enjoignent à la vérité les uns les autres? Ça veut dire qu'ils ordonnent le bien aux autres et qu'ils interdisent le mal aux autres, à eux-mêmes et aux autres. Et watawasaw bis-sabr, qu'ils s'enjoignent à la patience et à l'endurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils ont ordonné le bien et interdit le mal, ils font preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ce qu'ils vont subir comme difficulté du fait d'avoir ordonné et interdit aux gens qu'est-ce qui est bien, hein, ordonné qu'est-ce qui est bien et interdit ce qui est mal. Donc, la personne qui possède ces quatre caractéristiques, elle est sauvée de la description qui est mentionnée dans ce verset, hein, pour ceux qui, pour les êtres humains qui ne possèdent pas ces caractéristiques-là, eux ne sont pas épargnés. Mais ceux qui sont épargnés, c'est ceux qui possèdent ces quatre qualités ou ces quatre caractéristiques. Et c'est ça donc. Ensuite, le cheikh dit: وَالشَّاهِدُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ أَنَّهُمْ إِلْتَزَمُوا أَوَامِرَ اللَّهِ وَثَبَتُوا عَلَى الْحَقِّ وَأَمَرُوا غَيْرَهُمْ بِالثَّبَاتِ عَلَيْهِ وَنَهَوْا غَيْرَهُمْ عَنِ الْعُدُولِ عَنِ الْحَقِّ ولما كان الذي يسلك طريق الإيمان لا بد أن يتعرض للمحنة والفتنة فيحتاج حينها للصبر قال الله عز وجل على لسان لقمان وهو يعظ ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فالذي يأمر وينهى ويدعو إلى الله لا بد أن يقابل بالأذى فيستعين على تحمل ذلك بالصبر. Donc le cheikh il explique que le témoin, qu'est-ce qu'on veut tirer de cette sourate, c'est en fait que ils se sont accrochés à l'ordre d'Allah, ils ont respecté les ordres d'Allah, ils sont restés fermes sur la vérité, ils ont ordonné aux autres de rester fermes sur la vérité et ils ont interdit aux autres de se détourner de la vérité. Et lorsqu'ils ont suivi cette voie qui est la voie de la foi, eh bien c'est obligatoire qu'ils soient qu'ils subissent des épreuves. C'est obligatoire qu'ils vont subir des épreuves et des difficultés dans cette voie-là. Et donc, à partir de ce moment, ils auront besoin d'endurance et de patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit, par la langue de Luqman, alors qu'il exhorte son fils, dans Surat Luqman, le verset 17, il dit: « Ô mon fils, établis la salat, ordonne le bien, interdis le mal, et endure ce qui va t'atteindre. » Endure ce qui va t'atteindre. Qui va t'atteindre de quoi? Qui va t'atteindre quand tu vas ordonner le bien et quand tu vas interdire le mal aux gens. Parce que les hommes, en général, n'aiment pas se faire dire, se faire ordonner le bien et ils n'aiment pas se faire interdire le mal qu'ils font. La plupart des hommes aiment faire le mal et que personne ne leur dise rien et de s'abstenir du bien et que personne ne leur dit rien. Mais toi, quand tu vas leur ordonner le bien et que tu vas leur interdire le mal, en faisant ça, tu obéis à Allah et les gens ne vont pas t'aimer nécessairement. Et parce qu'ils ne vont pas t'aimer, ils vont te donner des difficultés et toi, tu dois faire preuve de patience et d'endurance face à ces difficultés-là. Et il dit ensuite, donc celui qui ordonne et qui interdit et qui appelle les hommes à Allah, eh bien, c'est obligatoire qu'il sera... qu'on va lui faire subir des difficultés, qu'il va faire face à des problèmes. Alors, il doit faire preuve de patience face à ces choses-là et il doit demander l'aide d'Allah pour être capable d'endurer ces difficultés. وقوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي يعني القوة في الحق والأبصار أي البصيرة النافذة وهذا هو صلاح العقيدة قوله ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات الله يحب البصيرة الناقدة عند حلول الشبهات فيستطيع المرء أن يفرق بين الحق والباطل فيأخذ الحق ويترك الباطل وكذلك عند حلول الشهوات فالعاقل لا يقدم على شيء منها حتى يعلم المآلات والعواقب ولا ينظر فقط في ساعته فحسب. فإذا كانت هذه الشهوات يعقبها حسرة وندامة تركها، وإن كان فيها لذة عاجلة لأنه يتركها، يعني لأنه يتركها خوفا من العقوبة الآجلة، وهذا البصرة الناقدة. قال الشاعر: وأحزم الناس ولو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. نعم. Donc le cheikh il explique le verset suivant, le verset qui est mentionné dans sourate Sad, le verset 45. Il dit: et souviens ou bien rappelle, yani rappelle aux gens, hein, rappelle à propos de mes serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, qui détenaient la force et qui détenaient la compréhension et la connaissance. Il dit Cheikh Al-Fawzan que ceux qui avaient Ulil Aidi, ceux qui avaient la force dans la vérité, et Al-Absar, c'est-à-dire qui avaient la compréhension et la connaissance, c'est-à-dire qui avaient la bonne aqida, une aqida qui est bonne. Et il explique ensuite le hadith qui dit, qui n'est pas un hadith authentique, mais la signification elle est vraie. Il dit: Allah aime la personne qui a une compréhension qui le fait, qui l'aide à, qui une compréhension qui est sonnée, qui est correcte, qui est bonne. Lorsqu'il y a des choubouhats, il est capable de distinguer entre la vérité et le faux. Allah aime la personne qui est comme ça. C'est pas qu'elle se laisse facilement embobiner par n'importe qui. N'importe qui lui arrive, il lui dit une parole ou deux, puis il commence à être étourdi, puis il commence à avoir des doutes en qu'est-ce qu'il connaît avec certitude, et il commence à dévier. C'est beaucoup de gens qui s'égarent de la vérité parce qu'ils oublient les choses certaines qu'ils connaissent au moment où une choubha les atteigne. Et ça, c'est une chose que j'ai remarqué. Les gens, c'est-à-dire, c'est important. Pourquoi les ulama, ils ont écrit des livres de aqidah et des livres qui expliquent et clarifient la aqidah et qui réfutent les bid'ah? En fait, c'est que quand tu lis tout ce qu'ils disent, les ulama, de la aqidah, on le retrouve dans le Coran et on le retrouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu veux connaître ta aqidah, tu pourrais, si tu veux, te limiter juste à lire le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais une bonne aqidah. Mais les ulama, ils ramènent les sujets ensemble, les choses qui ont des liens ensemble, ils les mettent dans les mêmes chapitres et ils les classent, ils les mettent en ordre. Donc quand tu le lis, ça devient plus clair et plus facile à comprendre et à mémoriser. Et il le clarifie. Le fait d'avoir ça, ça raffermit ta connaissance, ça raffermit ta compréhension, ça raffermit ta certitude. Et il y a des bases que tu établis par la suite dans ton cœur, dans ta croyance par rapport à ça. Ces bases-là, c'est ça que tu dois te rappeler et c'est ça dont tu dois te souvenir lorsque quelqu'un t'amène n'importe quel choubha. Reviens à qu'est-ce que tu as comme base et comme fondement et comme certitude. Et laisse tomber les doutes et les ambiguïtés. Mais le problème, il y a des frères, subhanallah, et parfois même des sœurs aussi, quelqu'un leur ramène des doutes et des ambiguïtés et ils oublient les certitudes et les choses claires qu'ils ont. C'est comme par exemple, à propos de qu'est-ce que font par exemple Daesh aujourd'hui. Même si ça n'a pas directement un lien avec ça, mais ça a un lien quand même, parce que ça a rapport avec notre manhaj, notre aqida. Ok? Qu'est-ce que les gens de bid'ah utilisent pour attirer les gens souvent? C'est les doutes et les ambiguïtés. Parce que notre manhaj et notre aqida, c'est clair qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les dirigeants. On n'a pas le droit de déclarer kuffar les musulmans pour des péchés qu'ils commettent. On n'a pas le droit de tuer les mu'minines. Ça, c'est des choses fermes, des convictions, des choses que tu dois être convaincu parce que c'est des bases dans notre religion. Si tu vois quelqu'un qui vient contredire ces bases-là, tu sais qu'il y a un problème. Ça, c'est la voie des khawarij. Ça, c'est clair. Mais les gens, ils viennent pour te mettre des doutes dans tes bases. et pour te remettre en question dans tes certitudes, hein, et pour t'ébranler dans qu'est-ce qui est ferme, solide dans ta religion. Donc qu'est-ce qu'il va te faire comme doute? Il va te dire, oui, mais on ne sait pas vraiment si ça c'est vrai ou non. On ne sait pas qu'est-ce qu'on entend à la télé ou à la radio, est-ce que c'est la vérité, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que ce n'est pas ci, peut-être que ce n'est pas ça. Hein? Donc, eux, toi tu leur amènes une certitude qui est dans le Coran, qui est dans la Sunna et qui est dans la compréhension des salafs et la parole des imams de l'islam, qu'il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Et les informations que les ulama ont mentionnées au sujet de ces khawarij et qu'est-ce qu'ils font, qui est certain et qui est clair, qui leur est venu de la part de témoins ou de la part de gens qui ont vu ou qui ont entendu et qui leur ont rapporté ces événements-là et ces situations-là avec certitude. Hein? Pas des médias, hein, mais des gens qui étaient là, qui ont vu, qui ont entendu eux-mêmes. Donc les ulama, quand ils parlent avec certitude. Et là, ils vont te mettre des doutes dans ton manhaj, dans ta aqidah. Ils te mettent des doutes dans les ulama. Ils vont te faire douter par la suite de la certitude de qu'est-ce que les ulama enseignent. Hein? Ils vont te dire, ouais, mais peut-être les ulama, ils ne savent pas. Subhanallah. Les ulama, ils vont parler de ces choses-là sans connaissance ou avec des informations qu'ils ont prises. Hein, à gauche ou à droite, non, il parle avec certitude. Et quand quelque chose est devenu tellement connu et célèbre, ça devient qu'est-ce qu'on appelle mutawatir, hein, c'est-à-dire tellement de gens l'ont rapporté et l'ont dit et l'ont mentionné que ça ne se peut pas qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir sur ça. C'est quelque chose qui est certain, hein. Donc après, est-ce que tu vas encore avoir des doutes? Mais malgré ça, ces égarés là ils continuent à utiliser ça comme une excuse pour essayer de défendre des gens qui sont indéfendables. Hein? Donc, quand il y a quoi que ce soit qui se passe, reviens à tes bases, reviens à tes certitudes, reviens à tes principes, reviens à tes fondements, reviens aux preuves du Coran et de la Sunna, et reviens aux paroles des salafs, et analyse les choses avec clarté, avec compréhension, et tu vas voir que la vérité elle est claire. Laisse tomber les doutes et les ambiguïtés, et reviens à tes principes. Hein? Et ça, c'est surtout important avec les takfiriens et avec les khawarij, parce que c'est eux qui essaient toujours de déformer la réalité pour te renverser les choses, hein, pour te faire voir le faux vrai et le vrai faux, pour te montrer la bid'a comme si c'était la sunna et la sunna comme si c'était la bid'a. Ils te font montrer le façade comme si c'était le djihad et le djihad comme si c'était le façade, et ainsi de suite. Et donc, la personne qui rentre dans la voie de ces gens-là, du jour au lendemain, tout ce qu'elle voyait bon hier, aujourd'hui le voit comme si c'était de l'égarement. Et c'est pour ça que Huzaifa il disait Al-Dalala, kul Dalala, an ta'rif ma kunta tunkir, wa tunkir ma kunta ta'rif. L'égarement total, c'est que tu vois ce qui est faux comme étant vrai maintenant, ce que tu voyais faux avant tu le vois vrai, et ce que tu voyais vrai tu le vois faux. Bien entendu, par rapport au fondement et aux bases de l'islam, et par rapport à la aqida et au manhaj des salafs, pas par rapport juste à qu'est-ce que tu voyais avant. T'sais, comme avant, moi j'étais chrétien, je suis devenu musulman, donc je suis dans l'égarement. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire l'égarement par rapport à la révélation d'Allah, et l'égarement par rapport à qu'est-ce qui est révélé d'Allah. Hein, et à la sunna, pas par rapport au changement, qu'est-ce que les gens changent d'opinion tous les jours. Donc ça, c'était juste un commentaire en passant que je voulais faire par rapport à ça, parce que j'ai remarqué que on lit dans les médias, dans les réseaux sociaux et tout, des gens qui disent, ah, un tel il est devenu takfiri ou devenu djihadi du jour au lendemain. C'est pas possible. S'il était salafi sur la sunna et il comprenait vraiment le manhaj, et du jour au lendemain, il est devenu djihadi takfiri, c'est parce qu'il y avait un problème. Ou parce qu'il n'a pas compris fermement ses bases et ses fondements. Sinon, il n'y a pas de... Ben parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeunes, souvent, c'est que quand ils sont, par exemple, avec comme ils se disent salafi parce qu'ils ont commencé à écouter, par exemple, certains cours, quelques cours sur la salafia, mais ils n'ont pas encore vraiment étudié de façon approfondie. Et donc, ils ont peut-être des amis salafis et ils se tiennent avec eux. Et ça fait qu'ils aiment la salafia. Ils sont sympathisants de la salafia, mais ils ne l'ont pas encore absorbé et compris correctement et profondément. Et donc, c'est un attachement à la salafia, mais très superficiel. et juste en apparence ou sur le dessus. Donc, quand on leur vient avec des shubuhat ou des choses, et parfois même certains d'entre eux vont creuser pour chercher les shubuhat et les shahawat, parfois même, ils vont dans les sites des gens de bid'ah, des gens de l'égarement, ou bien ils vont rencontrer des gens d'égarement dans la rue ou ailleurs, et ils rentrent dans des débats et des discussions avec eux, et à cause de ça, ils se laissent facilement embobiner parce qu'ils ne sont pas encore prêts, ils n'ont pas encore de base assez solide pour être capables de faire ça. Et donc ça, c'est des raisons pour lesquelles on trouve des jeunes qui tombent là-dedans. Regarde maintenant en France, tous les jours on entend des jeunes qui sont partis en Syrie, qui sont partis en Irak. Des familles ou des jeunes, des hommes ou des femmes, des filles et des garçons, des fois même, on dit qu'ils partent même parfois en famille. C'est des gens qui ne connaissent pas la aqidah des salafs, qui ne connaissent pas le manhaj, qui ne connaissent pas la aqidah des salafs, qui ne connaissent pas les ulama et qui ne retournent pas aux ulama d'Ahl Sunnah pour connaître et pour comprendre et pour suivre leur religion. Ils se basent vers. Ils se retournent à qui? Regarde, ces gens-là qui font ces choses-là, regarde à qui ils retournent. Ils retournent à des gens, c'est des gens, soit c'est des khawarij, soit c'est des sororiya, soit c'est des ikhwan, et autres. C'est des gens, c'est ces gens-là en général qui produisent cette catégorie de musulmans qui n'ont aucune base, qui tombent facilement dans les filets de ce genre d'égarement-là. Yani Allah Musta'an. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala aime la personne qui analyse, qui critique, qui, lorsqu'il y a des shubuhat, hein, elle arrive à distinguer entre la vérité et le faux, et elle prend la vérité et elle laisse le faux. Et ça, ceux qui sont capables de faire ça, c'est les ulama. Hein. Et il dit, et ça, c'est lorsqu'il y a également des shahawat aussi. Elle fait preuve de raison et elle met de l'avant les répercussions qui risquent de se produire si elle tombe dans ces péchés-là. Elle ne va pas juste regarder l'affaire, le plaisir éphémère qu'elle va en tirer au moment même. Par exemple, quelqu'un dit, je vais par exemple boire de l'alcool et aller fêter avec des amis. Hein? Et il ne va pas m'arriver rien de mal sur le champ. Alaykoum salam wa rahmatullah. Mais elle regarde. À long terme, qu'est-ce qui risque d'arriver si jamais elle fait ça, si elle devient ivre et qu'elle part et qu'elle tombe dans d'autres péchés par la suite à cause de ça, ou qu'il arrive un accident, ou qu'il arrive ci, ou qu'il arrive ça? Et qu'est-ce qui risque d'arriver aussi dans l'au-delà si elle meurt dans le péché? Des choses comme ça, c'est encore plus grave. Donc, elle regarde les conséquences de ses actions et qu'est-ce qui risque d'arriver. Avant de faire le zina, elle ne va pas dire « Ah, mais je vais ressentir un plaisir éphémère avec cette femme » qui m'est illicite, mais c'est pas grave. Hein? Qu'est-ce qui va arriver après? Je m'en occupe pas. Non. Tu penses après, peut-être que cette fille, elle va tomber enceinte. Après, il y aura un problème. Peut-être qu'elle va te donner des maladies. Peut-être qu'elle va te donner des problèmes. Toutes sortes de choses qui peuvent t'arriver, toi, tu regardes pas. Hein? Ça, c'est des conséquences dans la dunya. Puis dans l'au-delà, il y a des conséquences aussi au péché. Regarde pas juste le plaisir actuel au moment présent, regarde les conséquences de qu'est-ce que ça peut produire par la suite. Peut-être que si son père apprend que Yanni t'a fait des péchés avec elle, il va venir, il va te tuer, hein, ou son frère, hein, se venger de toi, ou plein d'autres choses comme ça. Ça, c'est dans la dunya. Et le châtiment de l'au-delà est plus grave encore. Donc il dit, فَإِذَا كَانَتْ هَذِي الشُّبُهَاتْ هَذِي الشَّهَوَاتْ يَعْقِبُهَا حَسْرَةً وَنَدَامَةً تَرَكَهَا. Donc si tu vois que les conséquences de ces désirs, ils vont ramener du remords, hein, tu l'abandonnes. Et si tu vois, même si dedans il y a un petit plaisir éphémère, hein, peut-être qu'il y a un petit plaisir, mais c'est pas grave, tu l'abandonnes parce que tu vois qu'il y a un remords ou du mal qui va venir et des regrets par la suite, et en plus de ça, par crainte du châtiment de l'au-delà. Et ça, c'est encore plus grave. Donc, tu t'en abstiens. Et il a mentionné une parole d'un poème, d'un poète. Et moi, la poésie arabe, c'est encore un monde inconnu pour moi. Donc, je m'en abstiens d'essayer de traduire. T'as le kalam shu'ara. Anana hiyanana. يعني احيانا بعض خصوصا الكلمات التي تستعمل في الشعر يعني ليست من الكلمات العاديه او اي نعم هذا هو احيانا هو من لغه كما يسموا الشعراء و اي نعم نعم هذا هو اي نعم صحيح بارك الله فيك. Donc parfois les poèmes, les poètes, les ulama, ils mentionnent des paroles des poètes juste pour donner un exemple. C'est juste pour comme une sorte de proverbe pour confirmer qu'est-ce qu'ils disent. Hein, mais c'est clair que la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des ulama et des salafs, c'est mieux que la parole du poète. Il dit wa qawluhu subhana fastamta'tum bi khalaqikum isharatan ila ittiba' ash-shahawat wa huwa da'ul 'usat wa qawluhu wa khudtum kalladhi khadu isharatan ila ittiba' ash-shahawat wa huwa da'ul mubtadi'ati wa ahli al-ahwa' wal khusumat wa kathiran ma yajtami'an fa qalla man tajidu fi i'tiqadihi fasadan illa wa huwa dhahirun fi 'amalihi wa qad dallat الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخادوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك. Donc ça c'est le passage que hein, je lisais aux frères tout à l'heure. Ça dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui signifie et ils ont joui de leur lot hein, ou de leur religion, ça veut dire ils ont suivi leur désir et leur passion. Et ça c'est la maladie ou le problème des pécheurs. Ça, c'est le problème qui vient des pécheurs. C'est eux qui sont tentés puis qui tombent dans le péché. Et, وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا ça, c'est pour montrer ceux qui disputent à tort et à travers au sujet de la religion et qui tombent à cause de ça dans les شُبُهَات, les ambiguïtés et les doutes. Et donc, ça, c'est le malaise et le problème des مُبْتَدِعَة, des gens de passion, des gens de débat et d'argumentation dans la religion. Et beaucoup de fois, ces deux problèmes se rejoignent et se réunissent. C'est-à-dire que tu vas trouver que les gens qui ont des problèmes dans leur aqidah, ça va avoir un effet apparent dans leurs actions et dans leur comportement. Tu vas voir que la plupart du temps, les gens qui ont un problème dans leur aqidah, ils ont un problème dans leur pratique et dans leurs actions aussi. Et il dit que le verset en question, dans Surat At-Tawbah, il prouve que yani, ceux qui étaient avant eux, ils sont tombés dans la jouissance des plaisirs illicites et ils ont disputé à tort et à travers dans la religion. Et ceux qui ont fait comme eux par la suite, eh bien, ils sont pareils à eux. Hein, ils sont pareils à ceux-là. Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il donne des explications sur ça. Il dit « وَقَوْلُهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ » يعني تلذذتم بنصيبكم من الدنيا ونسيتم العمل للآخرة بل استغرقتم في الدنيا وملذاتها وهذا طريق العصاة الذين حالهم كالبهائم الأكل والشرب فحسب. شيخ الزي il mentionne la parole d'Allah hein, dans le verset, vous avez joui, hein, vous avez joui de votre lot, c'est-à-dire vous avez savouré votre portion de la dunya, vous avez pris plaisir dans votre portion de la dunya et vous avez oublié d'agir pour l'au-delà. Et vous vous êtes noyé dans la dunya et dans ses plaisirs, et ça, c'est la voie de qui ? La voie des pécheurs qui ont un état semblable à celui des bestiaux et des animaux. C'est-à-dire qu'ils vivent uniquement pour manger et boire. Hein? Ils suivent leur passion. C'est ce qu'on appelle en français les hédonistes. Hein? Vous n'avez pas entendu parler de l'hédonisme. L'hédonisme. C'est les gens qui vivent que pour le plaisir charnel, le plaisir des sens. Tout ce qui peuvent leur apporter des plaisirs d'essence, peu importe que ce soit halal ou haram, c'est pas important pour eux. Du moment qu'ils ressentent un plaisir, ils le font. Hein? C'est comme H-E-D-O-N-I-S-M-E. Hédonisme. Non. Donc ça, il y a des gens comme ça. C'est une philosophie, hein, une façon de vivre de la part de certains des koufars. Il y en a de vivre que pour le plaisir. Hein? Allah Musta'an. Il y en a plein comme ça, surtout à notre époque. Ça, c'est, il y en a plein qui vivent que pour le plaisir. Et c'est ça leur mode de vie. Allah Musta'an. Attends juste pour vérifier le temps parce que 10 minutes, ok. Le cheikh il dit ensuite وقوله وخذتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء المبتدع أي أن المبتدع أهل الأهواء خاضوا بالشبهات وأفسدوا عقيدتهم والأصل في أمر العقيدة مبني على التسليم والانقياد فالعقائد توقيفية لا مدخل فيها للآراء والاجتهادات ولذلك المبتدع لم يقفوا عند المنقول في العقيدة بل قدموا العقل على النقل فنفوا أسماء الله وصفاته وهؤلاء هم المعطلة وشبهوا قاسوا والمشبهة قاسوا صفات الله على صفات المخلوقين جهلا منهم لأنهم لم يتخيلوا صفات الله صفات الخالق إلا كصفات المخلوق فشبهوا الله بخلقه والعياذ بالله فضل كل من الطائفتين المعطلة والمشبهة ونجى الله أهل السنة الذين أثبتوا دون تشبيه ونزهوا دون تعطيل. Donc le cheikh il explique que le verset quand Allah dit et ils ont argumenté ou disputé à tort et à travers comme ceux qui ont disputé avant eux. Ça veut dire ceux qui ont suivi leur passion, plutôt les ambiguïtés, les shubuhat, et ça c'est le malaise des mubtadi'a, c'est le problème des mubtadi'a, les gens de la bid'a, les gens qui suivent leur passion. Ils ont disputé à tort et à travers en ramenant des ambiguïtés et des doutes dans la religion qui ont corrompu leurs croyances. Et la base au sujet de la aqida, la croyance et le dogme, c'est que ça doit être basé sur la soumission. La aqida, tu n'as pas d'autre chose à faire que de te soumettre. Hein? Tu ne peux pas, par exemple, c'est pas comme le fiqh ou certains aspects du fiqh où tu peux parfois faire des ijtihads et avoir des divergences d'opinion entre les ulama et prendre différentes opinions selon le dalil. Hein? Il y a des divergences entre les ulama et ainsi de suite. Ça, c'est pour le fiqh. Il y a des choses comme ça, mais pour la aqidah, non. La aqidah, c'est Allah, il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et toi tu y crois et tu l'acceptes. C'est tout. Il n'y a pas de débat, d'argumentation, de discussion. Hein? Donc ça c'est la voie dans la aqidah, c'est ça la voie à suivre. C'est une voie qui est tawqifiyya. C'est-à-dire, dans la aqidah, tu dois uniquement t'arrêter au texte de la révélation. Et tu ne dépasses pas ça. Il y a le texte, tu y crois. Il n'y a pas de texte, tu te tais, tu t'arrêtes. Hein? Et là, il dit le cheikh, il n'y a aucune place pour les opinions et les efforts de jugement ou d'intellect dans la question de la croyance. Il n'y a pas d'argumentation, de débat, d'opinion. Tu dis, ah, mais ça c'est ton opinion, mais moi j'ai mon opinion. Ou bien certains, comme par exemple, qui disent ça c'est relatif. Hein? Certains, ça c'est vrai pour toi, mais pour moi c'est pas vrai. Hein? Ça c'est vrai pour moi, mais pour toi c'est autre chose. Et pour moi c'est autre chose. Non, il n'y a pas de relativité dans la aqidah. La aqidah c'est la vérité, ça vient d'Allah, c'est la parole d'Allah et la parole du messager. Tout le monde doit y croire. Et c'est pour ça que les salafs, ils n'ont jamais divergé dans la aqidah. Ils étaient tous sur la même croyance. Et ils n'ont pas divergé sur aucun des éléments de la foi et de la aqidah. Donc, il dit, mais c'est pour ça que les mubtadi'a, eux, ils ne se sont pas arrêtés au texte. Au contraire, ils ont, dans la aqidah, ils ont mis leur raison au devant des textes. Et à cause de ça, ils ont commencé à nier les attributs et les noms d'Allah. Hein? Et par exemple, les mu'attila, ça c'est eux. Ils ont les gens qui ont nié les noms et les attributs d'Allah. Ils ont dit on peut pas dire ça à propos d'Allah. Hein? Ils ont mis leur intelligence ou leur logique ou leur raison devant les textes. On dit, mais on ne peut pas dire ça. Il faut les nier. Il faut nier ce qu'Allah a dit. A'udhu billah. Et les mushabbiha, c'est ceux qui ont fait ressembler Allah à sa création. Et donc, ceux-là, par ignorance de leur part, ils ont dit, pourquoi on fait ressembler Allah à sa création? Ils ont dit, parce que, ils ont dit, on ne peut pas imaginer des attributs pour le Créateur, excepté qu'elles soient comme celles de la créature. Donc, ils ont fait ressembler le Créateur à sa créature. Et ça, c'est une forme de kufr et de shirk. Hein, de faire ressembler Allah à sa création, c'est du kufr, wal'iyadu billah. Donc, le cheikh, il dit, donc, tous les deux groupes, ceux qui ont nié les attributs d'Allah et ceux qui ont fait ressembler Allah à sa création, les deux sont tombés dans l'égarement. Et Allah a sauvé les gens de la sunna parce qu'ils ont affirmé les attributs d'Allah sans tomber dans le fait de faire ressembler Allah à sa création. Et ils ont purifié Allah de toute imperfection sans tomber dans la négation des attributs. Ils ont affirmé les noms et les attributs d'Allah qui sont dans le Coran et dans la sunna sans tomber dans le tashbih. Ils ont affirmé sans tomber dans le tashbih, la ressemblance, et ils ont nié les imperfections à Allah ou tout ce qui pourrait lui être attribué comme défaut ou faiblesse. Ils ont nié ça, mais sans tomber dans la négation des noms et des attributs. D'accord? Donc ils se sont écartés d'un extrême, ils se sont écartés de l'autre extrême aussi, et ils sont restés dans la voie du juste milieu. Il dit wa ubad al qubur. إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من تعذيب الموتى وسؤالهم والاستعانة بهم لأنهم خاضوا في الشبهات وشبهة استجابة الموتى من الأولياء والصالحين لهم وإمكانية جلب الضر والنفع لهم فرفضوا الدليل من الكتاب والسنة في نفي ملكية النفع والضر عنهم وخاضوا فيما خاض به من قبلهم وحكموا أذواقهم وما تهواه أنفسهم واعتمدوا على القصص والحكايات والأحاديث المكذوبة فهؤلاء عقيدتهم مبنية على الهوى والشبهات وأهل الحق عقيدتهم مبنية على الدليل والبرهان والتسليم والانقياد. Wa'alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh, il dit, les adorateurs des tombes, ils sont tombés dans ce dans quoi ils sont tombés, parce qu'ils vénèrent les morts. Et ils ont commencé à leur demander et à chercher leur aide. Parce qu'ils sont, ils ont pataugé dans les doutes et dans les ambiguïtés dans la religion. Et une de leurs ambiguïtés, c'est de penser que les morts peuvent répondre à leurs invocations. Hein? Et ou de penser que c'est possible qu'il leur amène un bien ou qu'il les repousse un mal, qu'il repousse un mal pour eux ou leur ramène quelque chose de bien. Et ils ont refusé d'accepter la preuve qui est claire à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna, que seul Allah possède la capacité de te faire un bien ou de te retenir un mal quelconque ou de te faire être atteint par un mal. Et au lieu d'accepter ça et de se limiter à ça, ils ont préféré disputer à tort et à travers, comme ceux qui les ont précédés parmi les mouchriquins et les koufars, qui ont pataugé et disputé à tort et à travers à ce sujet-là, et ils ont jugé dans la religion en se basant uniquement sur leur goût et leur désir et leur passion, hein, ce que leur âme leur suggère comme désir et comme passion. Et ils se sont basés sur des histoires et des racontages ou des mythes, hein, et des hadiths faux, des hadiths qui sont inventés et mensongers. Donc ceux-là, leur aqidah est basée sur quoi? Sur la passion et sur les ambiguïtés et les doutes. Tandis que les gens de la vérité, leur aqidah est basée sur la preuve et sur les évidences et sur la soumission à Allah et à ses textes. Hein? Et il dit wa qawluhu wa kathiran ma yajtami'an ay qad yajtami'u al-khawd fi ash-shubuhat wal-khawd fi ash-shahawat fi nafs fi ash-shakhs al-wahid fa kathiran mimman yaqa'una fi ash-shubuhat al-mudilla wal-afkar al-munharifa kathiran ma tajiduhum qad waqa'u fi ash-shahawat al-muharrama wal-'aks sahih fal-khislatan mutalazimatan Nasallallahu alayhi wa sallam, qui dit plusieurs fois, tu vois que ces deux caractéristiques-là se réunissent dans la même personne. C'est-à-dire le fait de discuter ou de patauger dans les désirs et les passions et de patauger dans les ambiguïtés et les doutes. Dans la même personne, on trouve ces deux choses-là et c'est un fait que tu vois que beaucoup de gens qui tombent dans les passions et les désirs, eh bien parfois aussi tu les trouves tombés dans les shahawat et dans les interdictions et aussi dans les doutes et dans les ambiguïtés. Les deux se retrouvent chez ces gens-là parfois. Nasallallahu salam. Et il dit pour terminer, wa alaykum salam wa rahmatullah, et on va compléter avec ça, il dit wa qawluhu wa qad dallat al aya wa hiya qawluhu ta'ala fastamta'u bi khalaqihim al aya ala anna alladhina min qabl قد استمتعوا وخاضوا وهؤلاء فعلوا مثل أولئك فهذا وجه الشبه أنهم فعلوا مثل ما فعل الأولون فأصحاب الجحيم خاضوا في عقيدتهم واستمتعوا بشهواتهم الدنيوية فكان في هذه الأمة من يعلم ذلك من يعمل ذلك ويتشبه بهم قال سبحانه وخضتم كالذي خاضوا فالكاف للتشبيه فيكون من خاض في العقيدة فيه شبه من هؤلاء ومن خاض في الاستمتاع بالشهوات فيه شبه من هؤلاء. Donc le cheikh il dit, et donc dans le verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit vous avez joui de votre lot, dans ce verset là il y a la preuve que ceux qui ont joui de leur lot et qui ont disputé dans leur religion, ceux qui font la même chose dans cette umma ressemblent à ceux-là, ils sont pareils comme eux. C'est-à-dire que c'est ça le lien de la ressemblance. Hein? C'est ça le lien de la ressemblance entre les premiers qui ont joui de leur lot, c'est-à-dire ils sont tombés dans les passions des choses interdites et les désirs illicites, et ceux qui sont tombés dans les ambiguïtés et les doutes à propos de la aqida et de la religion, eh bien c'est la même chose. Les gens de l'enfer, ils ont pataugé et disputé à propos de leur aqidah et ils ont joui des plaisirs et des désirs illicites dans les choses de la dunya. Alors, dans cette umma, c'est-à-dire dans la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y en aura qui vont faire la même chose que les premiers, que les anciens. C'est-à-dire qu'ils vont eux aussi disputer dans la aqidah et patauger dans les plaisirs de la dunya illicites. Et à cause de ça, ils leur ressemblent. Et c'est pour ça que Allah dit dans le verset فَخُدْتُمْ وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا. C'est-à-dire, vous avez disputé de la même manière que ceux-là avaient disputé auparavant. Et le kaf, كَالَّذِي en arabe, c'est kaf لِتَّشْبِه. C'est-à-dire pour montrer qu'il y a une ressemblance entre les deux. Et donc, celui qui dispute dans cette umma, dans la aqidah, eh bien, il ressemble aux anciens. Et celui qui patauge dans les plaisirs et dans les désirs illicites, il ressemble à ceux-là aussi. Et ça veut dire que le verset en question, en même temps, il est pour nous une interdiction de ressembler à toute personne de ces gens-là qui faisaient ça et qui agissaient comme ça, qui avaient cette attitude-là. Ça, c'est un autre dalil pour montrer l'interdiction d'imiter les kuffars et d'imiter les munafiqin de façon générale et d'imiter les gens de l'égarement de façon générale. Ibn Taymiyyah, il est ici en train d'établir les bases des preuves de l'interdiction d'imiter les kuffars de façon générale dans tout, hein? Et donc ça va continuer par la suite, il va en continuer à en parler, puis il va rentrer par la suite de plus en plus dans des exemples comme ça, de plus en plus détaillés, hein? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفيكم بركة إن شاء الله وإياكم